fais du jog dans les rues avec ton pauvre survêt rose, en suivant ton entraîneur et son cul. Tu t'entraînes très dur et pour cause. T'es un champion de boxe mondiale. Ton droit est dur, ton gauche immortel. Te laisse pas dominer par tes adversaires. Faut que tu les étales tous comme des crêpes. C'est dans Super Punch Out que tu vas les aligner. Ils sont deux fois plus grands que toi, mais c'est franchement faisable. En plus des fois ils trichent, mais la triche ça veille pas. En plus y'a pas de colle pour toi, Little Mac. Face à face, du moins tu essaies. Faut que tu sautes pour leur atteindre la tête. Toi aussi t'as un pouvoir spécial. Il faut sortir quand ils se foutent ta tête. C'est dans Super Punch Out que tu vas les aligner. Ils sont deux fois plus grands que toi, mais c'est franchement faisable. En plus des fois ils trichent, mais la triche ça paye pas. En plus y'a pas de colle pour toi, Little Mac. Le voilà, ton dernier combat. Face à Mike Tyson ou un autre, faut voir. Il est dur à battre, mais tu peux y arriver. T'es un mec, oui, qui va survivor. C'est dans Super Punch Out que tu vas les aligner. Ils sont deux fois plus grands que toi, mais c'est franchement faisable. En plus des fois ils trichent, mais la triche ça paye pas. En plus y'a pas de code pour toi,